c'est mon ami. On se connaît depuis tout petit, c'est la famille. On est ensemble comme deux boules de glace. J'suis le chocolat, c'est la vanille. Pas de la même fratrie, mais c'est quand même le sang. C'est pas le genre d'ami que tu perds avec le temps. Dans ma Ferrari, c'est celui qui montera devant. Toujours présent l'un pour l'autre. Celui qui en touche un poussera l'autre à la faute. Toujours dans des plans bourbiers, mais même dans la merde, on se soutient, c'est ça être pote. On marche ensemble, on crève ensemble, c'est la règle depuis le départ. À notre égard, jamais de coup bas, c'est lui le plus fiable de tous mes gars. Oh, oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Jusqu'à la fin des temps. Les années passent, rien n'a j'échange. C'est l'un de nos cras et tout le monde j'ai mort. Inséparables comme des gémeaux. On a pété le diplôme, ça criait au génie. On a grandi, l'époque des jeux vidéo et des nanas, elle était loin. J'suis fiancé à mon mariage, qui d'autre que lui sera mon témoin. De son premier fils, j'suis devenu le parrain. Par un coup du sort, triste d'apprendre qu'un matin, il a frôlé la mort. Insuffisance rénale, un mal si mesquin. Par chance, je suis compatible à croire que c'est le destin. Oh, oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Lui c'est le sang. Oh, oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Lui c'est le sang. Oh, oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Fidèle soldat en bleu sang, roulé jusqu'à la fin des temps. Moi et mes potos, on soutient comme un soutif d'hymne, tu portes les anges d'une latina. L'amitié c'est rester fidèle dans les bons moments, mais aussi les chutes lacrymales. J'ai fait mon maximum pour que mon bonheur avec eux soit maximal. Bien sûr, vieillir ensemble, ce serait le summum. Rester en contact, ce serait déjà pas si mal. Oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Lui c'est le sang. Oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Lui c'est le sang. Oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang. Fidèle soldat en bleu sang, roulé jusqu'à la fin des temps. Oh, oh, oh, oh, lui c'est le sang.